essentiel. Les bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre émission avec vous de 16h jusqu'à 18h. Aujourd'hui, il n'y a pas Lucie, mais Lucie a voulu quand même vous faire des petits bisous de loin. Elle a un rendez-vous important, donc on espère que son rendez-vous se passera bien. Donc on lui fait des gros bisous et on lui dit à la semaine prochaine pour notre émission spéciale où nous serons accompagnés de la célèbre et grande chanteuse Daniela Henriquez et aussi d'une autre visite que je vais peut-être vous faire essayer de deviner. Mais je ne vous dis pas qui sera avec nous. Donc on commence notre émission d'aujourd'hui avec vous. Donc il y aura deux chroniques top 3, mais pas vraiment top 3. On va commencer avec un top 4 des deux artistes que j'ai présentés lors des deux dernières émissions qui seront présents lors de la Saint-Jean. Donc qui sont Capanegra, le groupe connu d'Orléans et de un peu partout en France maintenant, et de la chanteuse Daniela Henriquez qu'on retrouvera, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. Donc on aura un petit top 4 avec deux musiques de Daniela, deux musiques du groupe Capanegra. Et dans notre top 3, qui sera donc à 17h30, nous aurons un chanteur que je vais diffuser tout à l'heure avec des indices, dont nous allons regarder trois titres de ce top 3, mais aussi que vous pouvez savoir directement grâce à nos réseaux sociaux qui sont avec-vous-radio. Donc n'hésitez toujours pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour avoir plus d'informations sur nos émissions et nos tops. On va continuer notre émission, je voulais dire, avec le temps de Daïk. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Pour la petite disparaît sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé parler. Aïe,

Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole. Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Quero e não nego, sou força. À présent, avoir passé des petits moments en musique, je vais faire un petit jeu avec vous. Vu que notre artiste que je vais faire en top 3 est l'artiste qui viendra à la Saint-Jean, nous allons le voir à 17h30. Je vais vous donner un petit indice et j'espère que vous allez jouer aussi avec moi. Donc je vais vous faire diffuser un tout petit son de sa musique, de l'artiste que nous avons dans notre top 3. Et à vous de jouer en m'appelant au 02 38 43 48 00 pour me dire si vous avez trouvé l'artiste. Après, si vous avez triché et allé sur nos réseaux sociaux, je ne pourrais pas le savoir, mais pour savoir si des gens pourraient quand même reconnaître avec sa musique. Donc, je vais vous faire écouter à présent le son de sa musique. À présent, à vous de jouer et de me dire quel est l'artiste, quel est le chanteur qui sera présent lors de la Saint-Jean le 6 et 7 juillet, et l'artiste que nous allons parler à 17h30 dans notre top 3. À vous de jouer. Me dice que me prefiere. Quelques personnes ayant la bonne réponse. Si mes comptes sont bons, deux personnes ont trouvé. Nous avons eu Marcus qui a eu bon à l'énigme que j'ai donnée, et aussi Mariana qui nous a appelé et qui avait dit l'artiste et qu'elle était fan. Donc elle m'a demandé une dédicace de cet artiste qu'on fera pendant notre top 3. Donc une dédicace de Mariana qui aura lieu. Et d'autres personnes nous ont appelé, mais on m'a un peu confondu. Alors, restez bien connectés et nous écoutez. Je vais donner un indice, on va dire dans une vingtaine de minutes. Donc restez connectés, vous aurez l'indice pour le top 3 à 17h30. Donc 16h30 tout pile, il est donc le moment de nos top 3, mais plutôt top 4 on va dire. Et on va commencer avec une musique de Daniel Henriquez, Baila Moche Sem Te Rompa. Toda vez que eu paro em teu olhar, mil loucuras, eu estou sempre a pensar, és desejo. És vontade de dançar, és o vinho que me deixa embriagar. É madrugada e eu espero por ti. A minha cama quer te ao pé de mim. Vem, me deixa louca. Esta noite vamos sem ter roupa. Vem, me deixa louca. Esta noite Nós Et à présent, nous allons écouter un titre qui fait pas toujours partie de l'album Alma de Daniel Enriquez, O Amor, Now I Sing. A mentira viva em ti, continuas a magoar este coração que te ama tanto. Sei que pensas noutro alguém, consigo ler o teu olhar e o meu coração sofre tanto. Mas lembra, meu amor, tudo pode mudar. Um dia quem amou pode também deixar de amar. O amor tão eterno, vou-te dizer mais uma vez. Eu, tu e ela, não foi a conta que Deus fez. O amor tão eterno, vou-te dizer mais uma vez. Eu, tu e ela, não foi a conta que Deus fez. Um, dois, três. Não foi a conta que Deus fez. Um, dois, três. Não foi a conta que Deus fez. C'était Daniela Enriquez et on va écouter une nouvelle musique, je pense, de Capanegra, qui est chantée par Dom, qui se nomme Ella est Boa. Ela é boa quando ela dança no baile rico. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando se mexe e ainda não existe. Cigana mais poderosa, é a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela, ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa, ela é tão bela, ela sabe que ela dança, ela está demais. Ela é boa, ela é boa. Cigana mais poderosa, é a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela, ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa é tão singela, a dançar. voici la fin de ce top 3, plutôt top 4 comme on l'a dit, sur les deux artistes, je veux dire Capanegra et Daniel Enriquez, mais Capanegra ont de nombreux artistes dans leur groupe, donc on va les retrouver le 6 et 7 juillet au Parc de la Lignerolle, comme chaque année, pour fêter ensemble la Saint-Jean, fêter la musique, danser, manger, car manger, il y en a de quoi manger là-haut. Mais on se retrouvera tous le 6 et 7 juillet pour faire le plus grand festival portugais un peu d'Orléans. On continue en musique avec Oh My Love de Zara Larsson. Séparé, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh, c'est lui qui sait, et

cool. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too glad to deny it. Ain't no big deal, it's in the sun. I kissed a girl, but I did. The taste of her cherry chutney. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl, I liked it. I liked it. Sou portuguesa, sou sim senhor. Sou portuguesa de alma e coração. Sou portuguesa, sou sim senhor. Com muito orgulho, não duvidem não.

Eu não queria me apegar, nem me envolver em mais um lance. Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais, um love que não fura a pele. Prazer que marca sem marcar, e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo. Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora de cigar. Essa tua boca fez delícia, teu beijo reviu a minha vida. Desde que eu te encontrei, amei. Bien, toujours on était en train de préparer nos musiques. Quand je dis nous, aujourd'hui on a avant la visite d'un invité qui s'appelle Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour à tous. Eh bien bonjour. Nous avons du coup la visite d'aujourd'hui de Nathan qui est venu visiter un peu les locaux de Radio Arc-en-Ciel, s'intéresser de plus près à nos émissions et à ce qu'on fait. Donc il est là aujourd'hui pour passer la dernière heure, donc de 17h jusqu'à 18h, en ma compagnie. On va faire des petits jeux, comme quoi à chaque fois je reçois des personnes. T'inquiète pas, dans quelques minutes on va faire un petit jeu. Y a pas de souci. Donc on est là pour aujourd'hui lui faire découvrir et lui montrer ce qu'est la radio. Donc n'hésitez pas à l'appeler pour l'encourager. Appelez au numéro que Nathan, je sais pas si tu connais. Non, du tout. Au numéro 02 38 43 48 00. Il était juste devant toi. Je l'avais pas vu. Donc on est là pour être en musique et être présent avec lui. Donc on va faire un petit jeu. On va te le poser directement. Eh ben, alors, vas-y, je t'écoute. Tu vas me préparer une musique. Une musique du moment pour toi de l'été. Oui, aujourd'hui, le soleil est revenu alors qu'hier, il n'était pas là du tout. Mais il est revenu. Donc à toi de préparer une petite musique d'été. Tu me dis quand t'es prêt et on la diffuse et tu nous expliques. Eh ben, je l'ai déjà. Ah, bah c'est parfait. Bah on va la mettre tout de suite après Sinto Sexy de Anna Mayo. Si ça te va. Si ça te va, je veux dire. Oui, bah évidemment. Donc on écoute Sinto Sexy de Anna Mayo. Et n'oubliez pas ma chronique sur l'artiste que je vais vous relever dans quelques instants. Que Nathan, je sais pas si du coup il était là quand même la première heure. Je sais pas s'il a pu deviner. Mais l'indice, du coup, c'est qu'il a un accordéon avec lui et que c'est très important, cet indice. Donc à vous de chercher, à nous appeler et d'encourager Nathan. Donc on écoute Anna Mayo, Sinto Sexy. Tu as préparé ta musique que tu vas nous faire écouter dans quelques instants. Mais tout d'abord, présente-toi un peu quand même. Alors du coup, moi c'est Nathan. Donc aujourd'hui j'accompagne Mathis pour le 17h-18h pour l'émission. Et du coup je suis venu ici pour découvrir un peu le nouveau monde de la radio que je ne connaissais pas avant. Et du coup j'ai concocté une petite musique d'été qui sort un peu du registre habituel mais qui peut permettre de faire découvrir de nouvelles choses. Et du coup on va vous la diffuser tout de suite. Tout à fait. Donc quel est le titre de la musique que tu vas nous présenter dans juste à la fin de notre musique? Alors ça s'appelle Wayé et c'est chanté par Théodore qui va sortir son album très prochainement dans la semaine prochaine, le vendredi. Donc je vous invite à aller l'écouter, c'est très très amapiano, très un peu été, donc voilà. Tout à fait, et une musique qui est sortie, que tu vas nous faire découvrir, qui est sortie il y a 2 semaines. Voilà, c'est ça. Et ben on écoute. Crocodile, j'ai les crochets, les écailles. Là-bas, il m'appelle le guépard. Ça part vite, je fais que trempir le PayPal. Je me trouve un peu trop fêtard. En ce moment, j'ai toujours l'esprit en pétard. J'ai toujours l'esprit en pagaille. Avec mes démons, en ce moment, je fais la patate. Tout se joue sur les détails. Et je le sais, je le sais. Ils nous prennent pour du bétail. Et je le sais, je le sais. Ils se prennent pour la kika, bonbon, les mortiers sur la flica, bonbon. J'entends plus bruit de la pluie, j'entends la kita. Tout pour la famille, non, Iman n'a pas de pote. Ouais, yeah. Faut que je les appelle sur les barras. Faut que la table ait les soucis, je débarrasse. Là-bas, ils m'appellent en dandy. Quand j'étais petit peu, ils m'appelaient la Brandy. Moi, je me balade en cobra. S'il y a un problème, moi, j'appelle les gros bras. Ici, ça complote à 8 clans. Et je le sais, et je le sais. J'ai du retard sur mon pico. Et je le sais, et je le sais. J'ai bien fait de ralentir le gaz. Et je le sais, j'ai retrouvé des cases. J'entends plus le bruit de la pluie. C'est vrai que ça donne envie de danser, de s'amuser, avec des belles paroles, je trouve, en tout cas pour moi. Donc merci Nathan. Et bah, pas de soucis, j'espère que ça vous a plu. Et bah à mon tour de te faire écouter une musique. Je vais te la présenter, mais c'est à cause un peu de ma mère, parce qu'elle adore cet artiste. Bon, ça fait déjà un petit moment. Donc maman, si tu passes par là, gros bisous. On va écouter Ninion, Weichmeich, et le titre de la musique c'est Oij Echto Chatedao. Chateado, porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és mal para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és mal para mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. da cabeça. Queria que fosse sincera, porque eu já estou a ser. Não te vais arrepender. É o melhor para ti, é o melhor para mim. Já não quero viver contigo, pois tu és má para mim. Já não sou o teu amigo, pois tu és má para mim. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Chateado, porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lá. Donc voici la petite dédicace un peu à maman quand même de cet artiste qu'elle affectionne. Maintenant, je pense que tu voulais faire quoi, Nathan ? Eh ben, je tiens à faire ma première dédicace. Donc, c'était une dédicace à Chloé qui nous écoute. Et c'est un de ses artistes préférés, je pense, si je la connais assez bien. Oui, on va crois. Écouter The Weeknd, Save Your Tears. I don't know why I'm running out of. pour nous après cette belle dédicace de Nathan pour Chloé. On fait des bisous à Chloé sur le moment. Des gros bisous. C'est l'heure du moment de notre chronique. Et l'artiste donc de ce top 3 est l'artiste qui sera là le 6 et 7 juillet, comme Daniel Henriquez et Capenegra. Il se nomme Rousing do Accordéon. Et on va commencer par écouter une musique qui se nomme Amodim deste Mario. Comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar a novinha portuguesa no acordeão. Sou a quem a vai tocar. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a novinha do malhão. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a novinha do traditionnel de l'accordéon, et on continue avec encore un de ses titres qui se nomme Au Tamagnon de Minha Cobla. Em casa tem uma cobra, é um bicho de estimação. Ela não é venenosa, é tão beca como um cão. Tem mais de um metro e meio e quando a chamo ela vem. Ser um bicho feio, mas não faz mal a ninguém. Convidei minha vizinha para ir a casa jantar. Ficou na sala sozinha enquanto eu fui cozinhar. Ouvi berros aflitos quando estava na cozinha. A vizinha andava aos gritos com a cobra da verdinha. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Encostada a ela. A minha cobrinha agora que leva a casa visitas. É da perença que chora quando lhe fazem festinhas. A minha cobra carente gosta muito de atenção. Fica feliz e contente quando alguém lhe passa a mão. Convidei minha para ir a casa jantar. Ficou na sala sozinha enquanto eu fui cozinhar. Ouvi berros aflitos quando estava na cozinha. A vizinha andava aos gritos com a cobra na verdinha. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou acreditou. Ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Nous allons finir par une dernière musique de Rosine d'Accordéon et on la dédicace à la gagnante, enfin la gagnante parce qu'elle avait répondu à notre petit jeu et elle nous avait confié qu'elle était fan de ce chanteur. Donc on dédicace la musique qu'elle a voulu, Bat comme au peigne du chaud de Mariana. Donc on lui fait des bisous à Mariana et elle pourra la retrouver le 6 et 7 juillet. Donc on lui fait des bisous. Estou vestido à maneira e à igreja vou rezar. Até o padre ficou muito admirado ao ver-me todo arranjado, sapatos a brilhar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico e em casa é que eu não fico porque gosto de bailar. E no recinto vamos levantar poeira, dançar a noite inteira até o dia clarear. Bato com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a posição, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a posição, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. E bom vinho, vamos todos celebrar. Que linda festa, o pinto já está assado. Ninguém fica parado, todos o querem provar. Eu sou bonito porque hoje já bailarico e em casa é que eu não fico porque gosto de vos dar. Sou o Ruizinho e com o meu acordeão até só do sacristão até o dia clarear. Bato com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a posição, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a posição, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Et voici le top 3 sur Rosindo Accordéon qu'on retrouvera le 6 et 7 juillet et qu'on retrouvera aussi Nathan, j'espère, présent avec nous. Et avec plaisir. Tu viendras découvrir les artistes qu'on va défiler encore sur les prochains tops des prochaines semaines, mais aussi les artistes qu'on a déjà présentés, donc ces trois artistes que nous avons parlé tout au long de l'émission déjà. Maintenant, on va te laisser un peu la main, Nathan. Okay. Si tu es prêt. Il n'y a pas de souci. On va te laisser quelques musiques, nous faire découvrir quelques musiques que tu aimes en ce moment ou dans la vie de tous les jours. Donc vas-y, on nous t'écoute. Eh bien, on va commencer avec une première musique. Ça va être Besso de Rosalia

plus de vitesse. On voit plus de scellettes, c'est plus comme avant. Pas besoin d'une antisèche pour savoir que je suis avec une autre quand j'aurai bon pas. On s'attache, c'est ça qu'on sait. Faire nos pailles en discret, c'est ça qu'on aime. On le fait dans la chambre pour la 407. On se donnera des nouvelles si ça fonctionne. Entre nous, y'a aucune aide. Je suis dans la 407. Entre nous, y'a aucune aide. On s'attache, c'est ça le concept. Dis-moi autre chose, mais dis pas qu'on s'aime. Dis-moi autre chose, mais dis pas qu'on s'aime. Non, je vais pas culpabiliser quand je suis pas là. Tu te fais monter par un autre. Entre nous, y'a aucune aide. On fait nos bails au final. Apparemment, ça convient pas. Alors, chacun fait sa life. Entre nous, y'a aucune aide. On fait nos bails au final. Apparemment, ça convient pas. Alors, chacun fait sa life. Et tout de suite, on part sur un autre continent, l'Amérique, pour un son assez anglais, assez pop, qui vient tout juste de sortir la semaine dernière. C'est Mike Smith, Stargazing. Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Enchaîne sur un rappeur tout droit venu de Paris, La Courneuve. C'est Kerjacking de Dinos et on écoute ça tout de suite. Yeah. Me dis pas que je suis sous-côté. Me dis pas d'arrêter de vivre. Me dis pas d'essayer de mettre des sous de côté. Me dis pas de ne pas mentir. Car tout peut m'anéantir. Ces jours-ci, je crois que je vais de mal en pire. Essaie pas de prendre mes news. Avant que ça marche pour moi, je me regardais pas, me prends pas pour un plouc. On dit rarement tout ce qu'on pense, parce qu'on sait pas le faire. La plupart des fois où j'ai dit je t'aime, je le pensais pas, frère. Je suis très très méfiant, je suis plus une victime d'amitié qu'un ami. suis très très dur, très méfiant. Et c'est très très dur de m'avoir. Enfin, d'avoir mon cœur, quand j'ai mon cœur. Je mets longtemps avant de tomber. Je mets très longtemps. Mais trop longtemps. Tous les jours et on se voyait tard le soir. On mangeait dans ma caisse parce qu'on n'avait pas le choix. On était miséreux mais on était plus heureux. Sûrement parce que de Happy Meal c'est seulement 8 euros. Et puis les gens me reconnaissaient, c'était plus évident. J'avais une carte étudiant mais j'étais plus étudiant. Je vois encore ton sourire sous la mauvaise météo. J'ai encore des souvenirs de quand on fraudait le métro. Puis t'as fini tes études, moi je galérais dans le rap. Ouais je galérais dans le rap. Et pour mes premiers clips, tu m'as payé mes sables. Ouais. Tu m'as payé mes sables. Ce soir je remplis l'Olympia et tu seras même pas là. Tu sais que ça me rend malade. Tu seras même pas là. J'ai tout ce dont je rêvais mais je manque de sommeil. Plus de problèmes car plus de monnaie. J'ai encore ta voix dans mes oreilles. Sommeil. Plus de problèmes car plus de monnaie. J'ai encore ta voix dans mes oreilles. Et tu sais dans ma tête c'est le bordel. J'ai rangé toute ma peine sous la North Face. Faudrait que j'apprenne à faire la part des choses. Faudrait que j'apprenne à vider la corbeille. Et tu sais dans ma tête c'est le bordel. J'ai rangé toute ma peine sous la North Face. Faudrait que j'apprenne à faire la part des choses. Faudrait que j'apprenne à vider la corbeille. J'ai tenu aucune promesse, j'suis parti comme un chela. Quand mon cœur éclate, j'ressemble à un jeune afghan. Yeah. Ils me disent que plus c'est moins, ils me disent que moins c'est plus. J'ai essayé de t'appeler mais je crois que t'as changé de puce. Merci Nathan pour toutes les musiques que tu nous as fait découvrir. Les trois musiques que tu nous as fait. Et avec plaisir. Et tu as fait ça très très bien, vraiment. Chapeau, chapeau. Merci. Un futur animateur devant nous, peut-être. Peut-être, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Il faut passer le diplôme de Radio Arc-en-Ciel. Diplôme. On continue en musique. Je vais te laisser le faire, car tu l'as fait tellement bien. Eh bah, c'est une musique qui date, mais une musique qui a pas mal marché. C'est Échame la culpa de Luis Fonsi et Demi Lovato. On écoute ça tout de suite. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Miami me lo confirmó. Gente de eso. De se quitter, donc moi et Nathan, nous allons vous dire au revoir. Et moi de mon côté, à mercredi prochain. Mais Nathan, ça a été un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Mais aujourd'hui. Également. En tout cas, j'espère que tu as pu découvrir Radio Arc-en-Ciel, que cela t'a plu. Oui. On t'a vu aux événements la dernière fois. C'est ça. Maintenant à la radio, qui sait, bientôt peut-être à ma place. Non, quand même pas. On ne sait pas, peut-être être animateur radio. Non, mais elle te va bien. Oui, mais tu peux l'être aussi. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec notre interview avec la grande artiste Daniela Henriquez. Donc ne ratez pas ça, c'est le 22 mai. Toujours de 16h à 18h avec nous, avec vous, plutôt notre émission avec vous. Donc on se retrouvera avec elle, on fera une interview, on parlera de son album qu'elle a sorti il y a un mois, qui se nomme Alma, de tous ces titres qu'on connaît, qui restent dans nos têtes maintenant, Don Sakumig ou et plein d'autres. Donc nous avons sans plaisance. N'hésitez pas, on va poser des petites questions sur nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions à lui poser, on lui posera. Donc n'hésitez pas. Et nous aurons peut-être la présence d'une invitée mystère que vous connaissez tous. Donc pour ça, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Donc avec -vous, -radio, Instagram et Facebook. Et soyez là le 22 mai pour Daniela Henriquez et l'invité mystère. On va se dire à bientôt. Merci Nathan encore. Mais merci. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.